le coordinateur permanent des Nations Unies et représentant permanent du programme des Nations Unies pour le développement en Corée et autres membres du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du Fonds des Nations Unies pour la population, du Programme mondial de l'alimentation, de l'Organisation mondiale de la santé et de la représentation pour la coopération de l'Union européenne, du Bureau de coopération du ministère des Affaires étrangères de Suisse en Corée, ont visité du 19 au 21 les régions septentrionales sinistrées de la province du Hangul du Nord. Dans les villes de Faeryong, de Musan et de Yonsa, ils ont fait le tour des habitations, des écoles, des jardins d'enfants, des crèches, des hôpitaux et des cliniques nouvellement construits. Et ils se sont informés sur place de l'état d'utilisation des matériels, notamment la toiture fournie par des institutions internationales et formations dans divers secteurs comme la santé, la nutrition des enfants et de l'eau hygiénique. Ils ont constaté de leurs propres yeux la distribution correcte et l'utilisation efficace des aides. Et satisfaits, ils ont exprimé leur volonté de fournir toujours des aides et coopération sincère aux efforts du peuple coréen pour aider à faire disparaître les dégâts une fois pour toutes.